Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour le lancement de la deuxième saison du séminaire vidéo des premiers temps, dont je rappellerai très brièvement les objectifs. Il est le produit de notre désir, celui d'Alain Carou, de Catherine Roudet, de Sébastien Larrière et de moi-même, d'impulser un groupe de travail autour des débuts de la vidéo légère en France, réunissant vidéastes, cinéastes, chercheurs, chercheuses, conservateurs, conservatrices, militants, militantes, etc. Donc il y a vraiment une volonté de travail collectif au sein de ce séminaire. Et il est aussi le produit de notre volonté de constituer des sources orales avec les acteurs et les actrices et les témoins de cette histoire, de recueillir et de croiser leurs récits pour documenter les vidéos, pour lesquelles les archives manquent cruellement, on en a déjà parlé longuement l'an passé, et ceci dans l'espoir, satisfait en partie, nous le verrons avec Alain tout à l'heure, de retrouver, de collecter aussi de nouveaux documents, puisque ces documents sont évidemment caractérisés par une certaine urgence de sauvegarde. L'intitulé du séminaire, « Vidéo des premiers temps », je le rappelle ici, je pense que c'est important, est avant tout une hypothèse de travail. Il ne s'agit pas d'amener au sein de ce séminaire une définition close, surtout pas essentialisante. Cette expression fait bien sûr écho à l'expression anglo-saxonne « early video » et elle entre évidemment aussi en résonance avec l'expression « cinéma des premiers temps ». Mais là encore, il s'agit d'être prudent. Notre enjeu n'est pas ici d'établir une analogie évidente, directe, avec le cinéma des premiers temps, pas du tout. On en avait parlé assez longuement l'an dernier, puis on aura l'occasion de revenir sur ce point cette année, même si on a pu constater déjà qu'il y avait un certain nombre de traits communs, l'hétérogénéité des matériaux, l'intermédialité, une certaine forme d'attractionnisme et un caractère non fini des bandes vidéo. Également, on pourrait ajouter une variabilité dans la réception qui caractérisait également le cinéma des premiers temps. Donc, pour cette année encore, l'enjeu va être de resituer l'histoire de la vidéo dans un contexte large, une histoire des dispositifs d'image animée, donc dans la globalité du phénomène, parce que la vidéo des premiers temps, donc cette période des débuts de la vidéo légère, alors analogique, constitue à notre sens un moment extrêmement peu étudié, sous-estimé probablement, mal documenté du moins, à ce jour, et qui mérite d'être approfondi. Donc c'est un domaine qu'il s'agit de cerner dans le cadre de ce séminaire, et de poser comme un chantier de recherche nouveau. Il nous semble, on y reviendra tout à l'heure, que ça a déjà porté en partie ses fruits au bout d'une année, en tout cas on en a le sentiment. Donc c'est une période dont, bon, Sébastien va revenir sur cette question de la chronologie, hein, c'est une période qui est caractérisée par une certaine effervescence, des expérimentations aussi bien techniques que politiques et formelles, des usages, des appropriations extrêmement variées. Et là encore, prudence, précaution, mise en garde, il ne s'agit en aucun cas d'envisager l'expression vidéo comme suivant une évolution qui serait celle d'un progrès. On ne cède aucunement à une vision téléologique au sein de ce séminaire. Il ne s'agit pas non plus de céder à une approche réductrice, donc d'une logique linéaire, l'évolution des formes filmiques, etc. On irait de mieux en mieux. Donc voilà, on est vraiment dans une approche qui n'est en aucun cas déterministe à un niveau techniciste, voilà, en aucun cas. Donc recontextualiser nous semble très important, une recontextualisation aussi bien sociale que culturelle, esthétique et technique. La saison 1, Sébastien en reparlera tout à l'heure, nous a permis d'évoquer les pratiques militantes de la vidéo, aussi l'histoire des collectifs qui les ont inaugurés dans les années 70, au cours de la période de l'entre-deux-mai. Et cette année, donc, on avait le souhait, vous le savez déjà évidemment, de travailler sur la question des politiques de la vidéo et de la tension entre cette volonté d'autonomie sur laquelle on a beaucoup insisté l'an passé, et puis la problématique d'une inscription institutionnelle. Sébastien, là encore, reviendra sur ce point tout à l'heure en vous présentant le programme de l'année et ses enjeux. Ce séminaire, voilà, on va le redire quand même cette année, on va citer les partenaires, est organisé par le LABEX Art H2H Human to Human dans le cadre du programme de recherche Cinéma, Vidéo, Art et Politique en France depuis 68, dispositif archives et numérique, avec la BNF, avec Paris 8, le laboratoire ESTCA, et par Paris 1, le laboratoire IXA, et par Paris 3, l'Université Paris 3, l'IRCAV, avec le soutien également de l'association Carole Roussopoulos. Voilà, quelques mots d'introduction. Je passe la parole tout de suite à Catherine, qui avait quelques mots aussi à vous dire sur... Enfin, tu as une annonce à faire. Je te laisse la parole.